Lettre par Léon Frappier. Mademoiselle Germaine, institutrice à l'école maternelle, vit seule à Paris et habite une simple chambre au cinquième étage d'une maison moderne dans le haut de Ménilmontant. Fille aînée d'un fonctionnaire de province, elle a voulu, dès sa 20e année, alléger les charges de la famille en se créant une situation indépendante. Elle a pris son essor avec un brave enthousiasme. Le bonheur ne pouvait manquer de lui échoir un jour ou l'autre, puisqu'elle allait dévouer toutes les forces de son âme à l'accomplissement d'un immense devoir. Jusqu'à présent, elle n'a pas attiré particulièrement l'attention de Dame Fortune, mais tout au moins sa destinée se poursuit sans fracas. Lorsqu'elle ne fait pas la classe, elle reste en son logis, abandonnée à la solitude, parce qu'elle est sans relation et parce qu'elle ne possède même pas de toilette habillée, qui lui donne le prétexte vaniteux de sortir. Aussi n'aime-t-elle pas le dimanche, qui lui semble un jour vide, sans destination. Celui-ci étant merveilleusement ensoleillé, elle s'est installée près de la fenêtre ouverte et la voici tout absorbée à lire le chapitre d'un sage roman où l'héroïne, qui a 22 ans comme elle-même, se délecte à revoir des lettres d'amour classées dans un précieux coffret. Les lettres de son fiancé, un poète parti en mission dans les pays orientaux. Et la jolie fiancée admire ingénument que son charme de jeune fille ait attiré tant de feuillets soyeux, couverts d'une écriture ailée, où le cantique des tendres sentiments alterne avec la célébration des sites enchanteurs. Il se dégage du récit une émouvante démonstration. Les lettres reçues constituent l'avoir intime le plus suggestif qu'on puisse imaginer. Elles nous disent le passé, le présent et l'avenir. Quelles heures avons-nous vécues jusqu'ici? Où en sommes-nous présentement de notre existence? Quel sera demain notre lot? Les lettres répondent, elles ont fixé le temps, elles offrent la récolte acquise, elles révèlent la couleur des aubes à venir, d'après la nuance des jours écoulés. Germaine se lève, elle aperçoit son image dans la glace, une jeune personne brune, de noir vêtue, pas grande, au front volontaire, aux yeux purs, éclatants, aux joues mates. Est-ce qu'un poète remarquerait jamais ces grâces modestes? Héroïne du simple roman de l'institutrice, elle sourit doucement à l'idée de revoir, elle aussi, les lettres qui lui sont parvenues depuis ses débuts à l'école des tout-petits. Elle prend sur la commode une boîte en carton qui est jadis contenue des chaussures et la pose sur la table auprès du livre ouvert. C'est son coffret à lettres. Elle en tire les papiers un à un, au hasard. Il lui suffit de parcourir les premières lignes de chaque épître. Aussitôt, sa mémoire achève le texte en entier, tandis que ses yeux égarent leurs rêves dans l'espace lumineux qui domine Paris. Voici une grosse écriture tout en bâton. Mademoiselle, vous avez marqué un 0 de conduite à mon garçon. Vous lui faites des injustices. Je vous préviens que ça pourra bien vous retomber sur le nez. Oui. Oh, l'énigme du ciel au-dessus d'une grande ville. Voici un papier gris-blanc à envelopper du beurre. Mademoiselle, vous dites que ma fille n'a pas la tête propre. Ça ne regarde pas les maîtresses. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Oui. Quelle cité étrange font là-bas les voitures inégales. Continuons. Mademoiselle, je vous remercie de la fable que Julie nous a récitée sans faute. Puisque vous avez tant de patience, je vous demanderai de lui apprendre une chanson gaie, même un peu leste, pour chanter un dîner de noces. Oui, cette procession de cheminées s'étendant à perte de vue donne à la fois une impression de désert et de cohue. Ah, ceci est une écriture d'enfant. Mademoiselle, maman me charge de vous écrire que j'étais absente toute la semaine parce que nous divorçons. Nous en avons assez d'un brutal qui ne travaille pas et veut de l'argent pour boire. Nous habitons à l'hôtel parce que là le mari ne peut pas s'emparer des meubles pour les vendre. Oui. On voudrait mettre de l'ordre dans cette débandade immobile de tuyaux et de maçonnerie. Continuons. Mademoiselle, je vous renvoie mon petit François. Il n'a aucune maladie contagieuse. Il a une maladie noire de jalousie, parce que nous avons une nouvelle petite fille âgée de 3 mois. Il voudrait toujours que je la rapporte à l'hôpital où je l'ai apportée. Il ne voudrait pas que je la caresse, et c'est pour cela qu'il dépérit, se consumant comme la glace devant le soleil. Oui, quelle gamme de couleurs! Quelle nuance tendre et délicate sur les hauteurs de la banlieue. Allons. Mademoiselle, Je crois que mon mari est amoureux de vous, mais n'ayez crainte, c'est un honnête homme, âgé de 54 ans et le modèle des égoutiers. Mais enfin, il n'a pas voulu que je remette une pièce en pas pareille à sa veste, et il m'a demandé 2 sous pour acheter de l'eau de Cologne. Oui, on croirait ça là voir des paysages fantastiques endormis dans la mer. Voici une carte postale. Mademoiselle, j'étais forcé de garder Amélie pour faire mes commissions, parce que, étant la voisine de Madame Piment, qui est atteinte de maladie de nerfs, avant-hier elle m'a surprise au moment où je ne m'y attendais pas. Elle m'a blessé par des coups de clé dans la figure. Oui, tout là-bas, certaines surfaces métalliques se moirent et miroitent comme des lacets de rivière. Ah, voici une page de cahier. Mademoiselle, vous nous avez expliqué que c'est vilain de rapporter pour faire punir son camarade, mais qu'au contraire, c'est gentil de vous prévenir tout bas si un camarade a du chagrin. Alors je vous préviens en cachette que Gillon a tout le temps faim. Il a son nez rouge et ses joues toutes blanches, comme Guignol. Des coups frappés timidement à la porte interrompent la lecture. C'est Rara, une élève de la maternelle, qui apporte une lettre. Il a une réponse. Quelle bonne lettre! Germaine est toute ragaillardie. Allons, allons, elle n'est pas seule, pas abandonnée, et le dimanche n'est pas forcément un jour sans destination, un jour perdu où l'on ne donne rien de son cœur. Germaine rayonne. On l'aime, on pense à elle. Pareille à la fiancée du roman, elle rêve d'un cœur sincère à la beauté des aubes futures, d'après la beauté des temps écoulés, d'après l'imprévu d'aujourd'hui. Elle ouvre le tiroir de sa commode et met une pièce d'argent dans une enveloppe. Tiens, Rara, tu diras à ta maman que je lui souhaite une meilleure chance et que je suis bien contente de lui envoyer ceci. Elle embrasse Rara et le regarde, tout attendrie, descend dans les étages. Puis, la porte refermée, elle s'aperçoit dans la glace, pliant avec soi la dernière lettre reçue. Une rougeur lui monte aux joues, et elle sourit discrètement d'être une personne si riche et si importante. Léon Frappier.